Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 3 mai 2022. Voici les grands titres de cette édition. Ce mardi 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. L'occasion pour la présidente de la Maison de la Presse au Burundi de rappeler que c'est une occasion d'auto-évaluation des journalistes. Mireille Kanyangé appelle le gouvernement à alimenter le fonds d'appui aux médias. Et l'ambassadrice des États-Unis au Burundi appelle le monde à la solidarité dans la défense des droits des journalistes, souvent victimes de leur métier. Dans l'actualité également, toutes les 7 stations-service opérant dans la ville de Rumonge sont à sec. Aucune n'a distribué du carburant ce mardi matin. Une situation intenable selon la population. Et dans la chronique santé, un gynécologue nous expliquera les dangers des rapports sexuels faits avant l'âge de 15 ans. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, le Burundi occupe aujourd'hui la 107e place sur 180 pays que couvre le rapport de Reporters sans frontières RSF de cette année relatif à la liberté de la presse, donc une avancée de 40 places, et ce au moment où l'année 2021 il occupait la 147e place. Et ce rapport a été publié à l'occasion de la célébration ce 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une liberté de la presse au Burundi qui existe même s'il y a quelques points à améliorer. Certains journalistes affirment qu'un pas a été franchi ces jours-ci comparativement aux années antérieures, expliquant que le refus de livrer des informations par certaines autorités fait qu'ils ne travaillent pas librement. Ils demandent aux différents intervenants de donner des informations à tout moment pour qu'elles arrivent à ceux qui en ont besoin. Suivez ce micro-baladeur de la rédaction Isanganiro. Je ne pourrais pas dire que les journalistes du Burundi sont libres pour le moment du coup, mais on apprécie quand même le pas qui a été déjà franchi comparativement à la période antérieure, la période pré-crise de 2015. Mais avec le temps, ça a évolué. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment là où on veut être, mais quand même, on apprécie le pas déjà franchi. Mais jusque-là, on sait qu'on a toujours peur de traiter certaines informations comme on voulait. On a toujours peur de poser certaines questions aux institutions, Certaines autorités nous perçoivent comme si on était leurs ennemis, comme si on leur pose des questions pour leur tendre des pièges. Je crois qu'ils devraient savoir que nous, en tant que journalistes, nous sommes là pour la population, nous sommes là au service de la population, tout comme eux, et non pas penser que nous sommes là pour leur tendre des pièges ou être leurs ennemis. Ils devraient nous recevoir comme si c'était un devoir pour eux. C'est leur travail de tous les jours, nous donner de l'information, avoir accès à l'information. Un journaliste libre, c'est un journaliste qui a accès à tous les lieux pouvant lui permettre d'avoir l'information qu'il lui faut. Un journaliste libre, c'est un journaliste qui a accès à toutes les sources. En tout cas, ce que je pourrais demander au pouvoir public, c'est vraiment de toujours faire en sorte que les journalistes qui ont recours à eux puissent avoir accès à l'information qu'ils recherchent. C'est qu'ils puissent savoir que les journalistes ne sont pas les ennemis du pouvoir. Les journalistes, ils sont pas là pour pouvoir mettre mal à l'aise telle ou telle autre autorité, qu'ils sont avant tout là pour pouvoir servir l'intérêt collectif. Les journalistes constituent un corps intermédiaire entre le pouvoir et le peuple. Donc, si ce corps intermédiaire ne fonctionne pas bien ou est tout simplement paralysé, ça met en péril la démocratie. Nous avons toujours le même problème, surtout à cause des événements de 2015. Il y a une certaine méfiance de la part des personnes et ressources, de la part de la population, des administratifs, pour des faits sociaux qui nous couvrent au quotidien. Nous constatons avec regret que cette méfiance est constatée alors que le président de la République avait déclaré en début 2021 que le Burundi ne peut pas marcher sans les médias. Alors, ça c'est une situation paradoxale, mais c'est pourquoi alors j'interpelle aux décideurs, au pouvoir public, de faciliter le travail des journalistes, de faciliter l'exercice libre de notre métier. C'était les avis de quelques journalistes interrogés par la rédaction Isanganiro à l'occasion de ce 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse. Et les États-Unis d'Amérique saluent le pas franchi par le Burundi en ce qui concerne la liberté de la presse. N'office qu'au regard des médias rouverts après un moment de fermeture. Mélanie Harris, ambassadrice des États-Unis au Burundi, qui donne cette appréciation, trouve que le monde devrait être solidaire dans la défense des droits des journalistes, souvent victimes de leur profession. On l'écoute. Je suis heureuse, en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Burundi, de célébrer une journée reconnue autour du monde à cause des Africains qui l'ont demandé. Le travail des journalistes est important pour une société libre, mais le travail peut être dangereux. Il y a 5 journalistes qui ont déjà été tués, par exemple, depuis que la Russie a commencé la guerre en Ukraine. En 2021, il y a eu 46 journalistes qui ont été tués dans le monde entier. Donc, c'est important pas seulement de célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse, mais aussi de travailler ensemble comme une communauté globale pour protéger les journalistes à travers le monde. Mon message aux journalistes, merci pour votre courage, pour votre engagement à dire la vérité. Votre travail en tant que journaliste est vraiment important, pas seulement pour vos organes de presse, mais pour vos familles, vos communautés et vos pays. La liberté de la presse est un but qui doit être toujours recherché. Mon gouvernement est content de voir les étapes qui ont été déjà faites ici au Burundi. Je note aussi, par exemple, la grâce que le président Ndayishimiye a donnée à 4 journalistes d'Iwachu qui ont été auparavant condamnés pour leur travail comme journalistes. Mais il reste beaucoup à faire ici au Burundi et dans le monde entier. J'ajoute, par exemple, le site de web pour Iwachu qui reste bloqué ici au Burundi, sauf si on utilise un VPN. Donc, j'étais contente d'entendre la présidente du CNC qui a récemment dit qu'elle voudrait trouver une solution dans un avenir proche. C'était l'ambassadeur des États-Unis au Burundi. La liberté de la presse est une opportunité pour contribuer au développement de la paix et du développement des communautés. Propos de la présidente de la Maison de la Presse ce mardi. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, elle exhorte le gouvernement à alimenter le fonds d'appui aux médias. Suivez Mireille Kanyang. Le 3 mai sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. Le 3 mai constitue également une journée d'échange et de réflexion pour les professionnels et partenaires des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Le 3 mai est aussi une journée de soutien aux médias et aux journalistes. Le 3 mai est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite d'une information. La liberté de la presse dont nous parlons tant n'est en rien une faveur aux professionnels ou à leurs médias respectifs. C'est plutôt et surtout une opportunité pour contribuer sereinement au renforcement de la paix et du développement durable des communautés. Cette mission, comme chacun peut le comprendre, nécessite un environnement qui favorise l'accès des médias à l'information publique, à la protection des journalistes et au respect des règles professionnelles. En ce moment où nous célébrons la journée dédiée à la liberté de la presse, nous tenons à adresser au gouvernement nos remerciements pour les efforts qu'il met en place en vue de faciliter le travail des journalistes, notamment la délivrance de la carte de presse aujourd'hui en cours, mais également pour les interventions des institutions et partenaires publics en faveur des journalistes reporters en difficulté. Nous nous félicitons qu'il ait eu moins de heurts cette année entre les journalistes et les forces de l'ordre, ce qui démontre un sentiment partagé de compréhension mutuelle de la responsabilité des uns et des autres. Notre demande au gouvernement d'alimenter le fonds d'appui aux médias afin que les médias puissent avoir leurs capacités techniques et matérielles renforcées, surtout qu'avec l'essor technologique et numérique, les ressources matérielles nécessitent un renouvellement continuel. Nous sollicitons aux responsables des médias de revoir les conditions pécuniaires des journalistes pour les adapter au coût de la vie qui commence à être supérieur aux salaires actuels. Mireille Kanyang est présidente de la Maison de la Presse. Ce mardi 3 mai 2022, Journée mondiale de la liberté de la presse, et Reporters sans frontières a dévoilé son classement annuel mondial de la liberté de la presse. Sur les 180 pays évalués, 73% se caractérisent par des situations très graves, difficiles ou problématiques pour la profession, en raison d'un chaos informationnel et d'une désinformation accrue. Selon cette ONG, 47 journalistes ont été tués en 2021, ce qui est le plus bas chiffre ces 20 dernières années. 365 journalistes ont été détenus dans le monde en 2021 contre 235 en 2020. Et l'Ukraine est le pays le plus dangereux en 2022 où 10 journalistes ont été tués. Il est 13h06 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les prix des produits de première nécessité n'ont cessé de grimper à l'intérieur du pays, selon les ressortissants de différentes provinces du pays qui se sont exprimés dans l'émission Aiwanyu Habugwama qui, ce lundi, sur les ondes de la radio Isanganiro. Ils indiquent que les prix des produits comme l'huile de palme, le savon et le pain, pour ne citer que cela, ne sont pas abordables ces derniers jours. Ils l'appellent à la stabilisation des prix. Les prix des produits de première nécessité dépassent l'entendement. Quand la saison sèche s'annonce, l'huile de palme coûte énormément cher. Le demi-kilo coûte 2500 francs. Vous comprendrez que le kilo coûte 5000 francs. Même le prix du savon a sensiblement augmenté. Nous faisons face à la montée des prix du savon. Au départ, une pièce coûtait 350 francs. En second lieu, 500 francs. Et en troisième lieu, 700 francs. Actuellement, une pièce coûte 800 francs bout. Le kilo d'ici qui a coûté 2500 francs et coûte actuellement 6000 francs. Une bouteille de litre d'essence coûtait entre 4500 francs bout et 5000 francs sur le marché noir. Mais aujourd'hui, c'est 12000 francs bout. Il faut qu'une solution soit trouvée. Ne savons pas à quel sens vous vouez, comme les autres le disent. Le prix de l'huile de palme a sensiblement augmenté. Une bouteille de 300 ml coûte actuellement 1400 francs, alors que très récemment, il coûtait 1000 francs. C'est-à-dire qu'un litre coûte 5600 francs bout. Le prix du pain vient aussi empirer la situation. Le pain de 1000 francs fait peur. Celui de 500 francs n'est que pour calmer un nourrisson. Le prix du savon et d'autres denrées de première nécessité ont grimpé ces derniers jours. Le prix du savon bleu que le gouvernement avait subventionné pour faire face au coronavirus coûtait 150 francs, mais aujourd'hui coûte 500 francs. Le gros savon qui coûtait 500 francs, aujourd'hui coûte 800 francs. Un quart de litre d'huile de palme coûte actuellement 1200 francs. Il coûtait jadis entre 800 et 1000 francs. Nous ne savons pas quoi faire. Il faut que le gouvernement stabilise les prix de différents produits de première nécessité. Des habitants de différentes provinces du pays qui se sont exprimés ce lundi dans l'émission Aiwanyu Habugwama qui est dans son discours marquant la célébration de la Journée mondiale du travail et des travailleurs ce lundi à Muyinga. Le chef de l'État a indiqué au peuple burundais que les questions liées au salaire, à la vie chère et au manque des devises seront résolues par l'augmentation de la production. Le président de la République, qui a également déclaré que chaque pays a son organisation, point de vue social, économique et des libertés. C'est pour cela que la limitation de la zone de circulation faite aux motos et tricycles tuk-tuk à Bujumbura a été faite conformément à la Constitution. Il ne fallait pas concerter leur propriétaire. Le président Évariste Ndayishimiye qui le déclarait ce lundi à Muyinga en réponse aux représentants des travailleurs qui demandaient la suspension de cette mesure qui cause tant d'ennuis aux citadins. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail des travailleurs. Le président de la République a indiqué également que la mesure s'est inspirée des grandes causes des accidents observés à Bujumbura. Suivez-le. Vous avez aussi évoqué ce qui est en rapport avec les motos et les bajajs. Laissez-moi vous dire une chose. Comprenons ceci. Chaque pays a des lois régissant la vie de la population au point de vue social, au point de vue des libertés, au point de vue économique. Avez-vous déjà lu la Constitution pour identifier les devoirs d'un citoyen? Il faudra la lire. Dire qu'avant de prendre une mesure, on doit passer par des négociations alors qu'il y a des lois. Lisez bien les articles de la Constitution pour savoir comment chaque personne doit se comporter dans son pays. Nous ne faisons rien qui ne favorise la liberté de chacun. Concernant la liberté, sache que ta liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Tu ne peux pas exercer ta liberté en piétinant la liberté des autres. Dites-moi, voulez-vous qu'au Burundi, des personnes meurent alors que nous ne sommes pas en guerre? Mieux vaut mourir d'une maladie. Cette question a été analysée au Conseil de sécurité et on s'est dit que des gens ne doivent pas mourir comme des fourmis alors que nous ne sommes pas en guerre. Et on s'est imaginé quoi faire. Nous avons identifié ce qui cause beaucoup d'accidents à Bujumbura. Et nous avons trouvé une solution. C'était le président de la République. En bref, avant la chronique santé, Le transport des biens et des personnes par véhicule utilisant le carburant à partir de la ville de Lomongue restait compliqué avec un ticket de transport doublé sur certains tronçons. Sur cette station-service opérant dans la ville de Lomongue, aucune ne distribue en effet du carburant ce mardi matin malgré la récente hausse du prix du carburant à la pompe. Ceux qui se sont exprimés et demandent au gouvernement burundais de faire en sorte que le carburant soit disponible et en quantité suffisante. La culture du champignon a beaucoup baissé ces deux dernières années, allant de 95% à 35%. Propos de Roger Choïcha, qui est technicien agricole de cette culture en province de Kayanza. Le manque de semences et de marché d'écoulement de ce produit à Kayanza est en certaine cause du mauvais rendement du champignon à Kayanza. Et les travaux de déviation de la route nationale numéro 1 aux environs du palais présidentiel vont débuter dans les prochains jours car ils ont été retardés par la pandémie de COVID-19. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et développement qui l'a dit ce mardi lors de la présentation du bilan des réalisations trimestrielles. Albert Shingiro a indiqué également que le don du carburant octroyé par le Japon-Burundi sera échangé en monnaie liquide pour l'utiliser dans d'autres projets de développement. Et le gouverneur de la province Karusi demande aux administratifs à la base de lutter contre l'oisiveté de certaines gens vus dans des attroupements sur des lieux publics. Il fustige aussi les gens qui étanchent leur soif en buvant de la bière même le matin sur certains endroits publics de la province. Madame Kalini Mbarushimana l'a dit ce lundi au chef-lieu de la province, de la commune Bouguignouzi lors des cérémonies de la fête du travail et des travailleurs. Et à l'international, le pape François souhaite aller à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Dans un entretien publié mardi dans le journal italien Le Corriere della Sera, le pape François a annoncé qu'il a demandé à rencontrer le président russe Vladimir Poutine à Moscou afin de tenter de faire cesser la guerre en Ukraine sans avoir reçu de réponse en ce jour. Radio Isanganiro, chronique santé. Les rapports sexuels avant l'âge de 15 ans sont déconseillés. Le gynécologue Gilbert Niwitanga précise que la précocité sexuelle peut entraîner des conséquences comme contracter ou être vulnérable aux maladies sexuellement transmissibles. Le meilleur moyen de se prévenir est de s'abstenir. Ornella Mouch. Lorsqu'une fille ou un garçon fait des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans, on parle de la précocité sexuelle. Le gynécologue Gilbert Niwitanga précise que cela peut entraîner des conséquences dans leur avenir suite à l'immaturité des organes génitaux. Quand une femme ou un homme commence à faire des rapports sexuels d'une manière précoce, il y a d'autres conséquences à long terme. Par exemple, une femme qui commence des rapports sexuels précoces, son corps utérin n'est pas encore atteint à maturité, il peut être infecté par le virus qu'on appelle le HPV. Ce virus HPV est un virus cancérogène qui peut provoquer le cancer du corps. Mais même pour l'homme, quand un homme commence des rapports sexuels précocement, surtout les hommes qui ne sont pas circoncis, il peut aussi contracter ce virus HPV aussi qui peut provoquer le cancer du pénis. Ce spécialiste ajoute que les jeunes sont plus exposés aux maladies sexuellement transmissibles, surtout lorsqu'ils ne se protègent pas. Une femme peut tomber enceinte, ça c'est la première conséquence. Et puis, elle peut aussi contracter des maladies sexuellement transmissibles, spécialement le VIH, SIDA, le syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C. Sans toutefois oublier qu'il peut y avoir aussi une grossesse qui peut résulter. Et puis, l'enfant qui peut naître, évidemment, ne va pas avoir quelqu'un qui est mûr pour pouvoir rapporter au cours de sa vie. Et s'il arrive que cette femme en question tombe enceinte, il sera tout à fait difficile que cette femme accouche normalement parce que les os qui composent son bassin ne sont pas mûrs pour supporter un accouchement et aussi. Devenir sexuellement active augmente le risque de contracter ces maladies sexuellement transmissibles. Les maladies les plus fréquentes, ce sont les maladies sexuellement transmissibles. Et cela dépend du nombre de partenaires sexuels. Plus un homme ou une femme a plusieurs partenaires sexuels, les chances de contracter ces maladies augmentent. Et c'est dans le cas où cet homme ou cette femme font des rapports sans toutefois se protéger, sans toutefois utiliser le préservatif. S'il y a un accident qui arrive et qu'un homme ou une femme veut faire des rapports d'une manière précoce, il faut se protéger avec des préservatifs pour éviter ces conséquences. Le gynécologue Gilbert Niwitanga précise que le meilleur moyen de se prévenir contre ces maladies est de s'abstenir ou attendre le mariage.